Paul et Virginie est un roman publié à la fin du XVIIIe siècle par Bernardin Saint-Pierre. Cette œuvre, qui eut un grand succès, est à la fois édifiante histoire exotique et roman d'amour qui se passe en Île-de-France, l'actuelle île Maurice. On y voit le charme de la vie naturelle, la bonté des êtres simples et religieux et la naissance de l'amour entre deux enfants élevés ensemble.